الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. نعمه تدعو المؤمن للشكر. Ses bienfaits appellent le croyant à remercier. وابتلاءاته تدعو المؤمن للصبر. Et ses épreuves appellent le croyant à supporter avec patience. ومن لم تؤثر فيه النعم. Et celui qui ne se laisse pas influencer par les bienfaits de Dieu, celui qui ne les reconnaît pas, سُلِّطَتْ عَلَيْهِ الْبَلَايَا وَالنِّقَمِ Il sera exposé aux épreuves et aux malheurs. نِعَمُهُ تَدْعُ الْمُؤْمِنَ لِلشُّكْرِ إِبْتِلَاءَتُهُ تَدْعُ الْمُؤْمِنَ لِلصَّبْرِ وَمَنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ النِّعَمْ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعَمْ سُلِّطَتْ عَلَيْهِ الْبَلَايَا وَالنِّقَمِ وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله. L'imam ابن تيمية, que Dieu le comble de sa miséricorde, dit: مساكين أهل الدنيا, les pauvres de ce bas monde, de cette vie ici-bas, خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. Les pauvres de ce bas monde l'ont quitté sans avoir goûté la chose la plus douce qui existait dans ce monde. قيل له, on lui dit, وما أحلى ما فيها. Et quelle est la chose la plus douce de ce monde? قال الإمام ابن تيمية. L'imam ibn Taymiyyah dit « Hubbullah azza wa jal » L'amour de Dieu le très haut. Bima'na « Man lam yaduq hubballah fa huwa miskinun haqiqa walau kana ghaniyan » Ceci signifie que celui qui n'a pas goûté l'amour de Dieu est un pauvre réellement, même s'il est matériellement riche. Annas أَحَبُّ حُبًّا كَبِيرًا الْمَالِ Les gens, à notre époque, ont aimé un amour fou, les biens, la fortune. أَحَبُّ النِّسَاء Ils ont aimé un amour fou, les femmes. أَحَبُّ الْبُيُوت Ils ont aimé un amour fou, les maisons, les logements. أَحَبُّ الشَّهَوَات Ils ont aimé un amour fou, les désirs. وَلَكِنْ عِنْدَهُمْ Mais les gens d'aujourd'hui n'ont pas aimé Dieu un amour fou. Ils ont une pauvreté dans le domaine de l'amour de Dieu. Miskinun man lam yafid qalbuhu bihubbillah est un pauvre, celui dont le cœur n'a pas débordé de l'amour de Dieu. Miskinun man lam tafid aynuhu bayna yadayillah est un pauvre, celui dont l'œil ne déborde pas entre les mains de Dieu. Et toi, frère ou sœur, fais-tu partie des riches ou bien des pauvres? وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية. Et l'imam ibn al-Qayyim, élève de l'imam ibn Taymi, a dit: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. Si les gens se contentent de la vie ici-bas et de ses biens, contente-toi de Dieu. وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله. Et quand les gens se réjouissent de la vie ici-bas, réjouis-toi de Dieu. وَإِذَا أَنِسَ النَّاسُ بِأَحْبَابِهِمْ فَأْنَسْ أَنْتَ بِاللَّهِ Et quand les gens se réjouissent de la compagnie de leur bien-aimé, réjouis-toi de la compagnie de Dieu. وَإِذَا ذَهَبَ النَّاسُ إِلَى مُلُوكِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ يَسْأَلُونَهُمُ الرِّزْقِ ويتوددون إليهم. Et quand les gens partent vers leur roi, vers leur notable, pour leur demander la subsistance et pour leur montrer leur amour et leur attachement, فتودد أنت إلى الله. À ce moment-là, montre ton amour et ton attachement à Allah. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله. إذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله. إذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé sincère, l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قلب الشيخ الهرم شاب على حب اثنتين. طول الحياة وكثرة المال. متفق عليه. البخاري ومسلم وغيرهم. Le prophète prière et salut sur lui dit, le cœur du vieillard est toujours jeune dans l'amour de deux choses, une longue vie et beaucoup de bien. Unanimement authentique. بمعنى الجسم هو الذي يضعف مع الكبر في الشيخوخة. Ceci signifie que c'est le corps qui s'affaiblit, qui devient faible avec l'âge, pendant la vieillesse. أما القلب فيبقى دائما شابا يحب الحياة ويحب المال. Mais le cœur restera toujours jeune, même bébé, à aimer la vie et à aimer la fortune. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad al-Nujum al-Sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-Sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. نعيش اليوم بإذن الله مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. On va vivre aujourd'hui, grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, avec une parole du messager de Dieu, prière et salut sur lui. Yaqulu fi, dans laquelle il dit, Man asbaha minkum, al-Nabi yatakallam ma'an, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Celui parmi vous qui se réveille le matin et se trouve en pleine sûreté, en pleine sécurité dans sa bande, Mu'afan fi jasadihi, épargné dans son corps, il ne souffre pas d'une maladie ou d'un mal qui touche son corps, épargné dans son corps, mu'afan fi jasadihi, sahih, indahu qutu yawmihi, possédant sa subsistance quotidienne, il a le pain quotidien, il a le pain de son jour, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Celui-ci est comme si on lui a apporté la totalité du bas monde. رواه الإمام الترمذي بحديث بسند حسن. Ce hadith a été rapporté par l'imam الترمذي et il a dit selon une chaîne satisfaisante. بمعنى مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَلَاثَ نِعَمْ. Ceci signifie celui que Dieu comble de trois bienfaits. Al-amn, la sécurité, wa sihha, la bonne santé, wa rizq, la subsistance, fa ka'annahu malak ad-dunya. Celui-ci, c'est comme s'il est devenu le roi du monde. Wa alayhi an yahmad Allah wa an yashkura. Et celui-ci doit remercier Dieu et proclamer sa louange entière. Al-musiba, kathirun min an-nas 'indahum ath-thalath. Le malheur, beaucoup de gens ont acquis les trois. الامن لا سيغتي الصحه لا بون سونتي يضرب الحيط يطيحوا والرزق اي لا سوبزيستونس وعندهم نعم اخرى كثيره اي اون بلوس ils ont beaucoup d'autres bienfaits de Dieu ولا يحمدون الله mais ils ne proclament pas la louange de Dieu يعيشون من غير رضا ولا قناعه ils mènent vie mais sans agrément, sans satisfaction de ce qu'ils ont, sans contentement. Et malgré tout ce qu'ils ont de la part de Dieu, ils sentent la privation. Parce qu'ils cherchent plus. Le prophète prière et salut sur lui dit, « Unzuru ila man asfala minkum » Regardez ceux qui vous sont inférieurs. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ Et ne regardez pas ceux qui vous sont supérieurs. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Parce que comme ça, vous n'allez pas mépriser les bienfaits de Dieu sur vous. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Unanimement authentique. أخي أختي, frère, sœur, لَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْكَ جَمَالًا Ne regarde pas celui qui te dépasse de loin dans la beauté. Awaladan, ou celui qui a plus que toi dans le domaine des enfants. Awmalan, ou celui qui te dépasse dans le domaine de la fortune. Awjahan, ou celui qui a un pouvoir plus que toi. Awsiha, ou celui qui jouit d'une excellente santé par rapport à toi. Ila akhiré, etc. Fashaytan ou min hadha al-bab. Satan, le démon, par cette porte que tu viens d'ouvrir, il va remplir ton cœur de chagrin et de tristesse. Et le maudit, Satan le maudit, va te pousser à ressentir que tu es privé par rapport aux autres. Et il va te faire oublier de remercier Dieu et de proclamer sa louange. Akhi ukhti, frère ou sœur, al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et salut sur lui, yaqulu lak, undur ila man huwa aqall mink. Il te dit, regarde plutôt celui qui est inférieur à toi. Aqall mink jamalan, qui a moins de beauté que toi. أقل منك ولدا كي موان دونفون كو توا او اقل منك مالا كي موان دو فورتون كو توا او اقل منك صحه او كي اون موفيز سانتي بار رابور ا توا الى اخره اذا كنت مبتلى دون لو كا او tu es éprouvé انت مريض دون لو كا او tu es malade مرض هكذا يعني une maladie passagère yani marad yamur la yatoul fanzur ila man indahu marad da'im assume la ne regarde pas celui qui n'a pas de maladie qui est en bonne santé non regarde celui qui a une maladie plus dangereuse que la tienne et qui dit alhamdoulillah une maladie durable wa idha kana indak marad da'im et dans le cas où tu as une maladie incurable une maladie durable فانظر إلى من يده مقطوعة. Regarde celui que Dieu auquel il a retiré, il a coupé la main. وإذا قطعت يدك فانظر إلى من قطعت رجليه. Regarde celui qui a perdu les deux pieds dans un accident. ويقول الحمد لله. Et qui dit الحمد لله, louange à Dieu. وإذا قطعت يدك ورجلك. Et dans le cas où tu coupes les pieds et les mains. أخذ الله يديك ورجليك Dieu t'a pris, t'a retiré les mains et les pieds. انظر لمن أخذ الله الإيمان من قلبه. جعله كافرا. أنت أعطاك الله الإيمان. Dans ce cas-là, regarde celui auquel Dieu a retiré complètement la foi. Toi, tu n'as pas les mains, mais tu es musulman. مات ولدك. T'as perdu ton enfant. انظر لمن مات اولاده. Regarde celui qui a perdu tous ses enfants. وهكذا. Ainsi de suite. لا ننظر دائما إلى فوق. يعني وأنت لما ترى هذا الذي فوق عنده كل شيء، لا تدري بماذا سيبتليه الله تعالى وتبارك. Lorsque tu vois celui qui est supérieur à toi, lorsque tu le vois, l'instant tu le vois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il attend auprès de Dieu. Toi, ton épreuve, tu l'as connue, ça y est, alhamdoulilah, elle est que ce qu'elle est. Mais lui, il attend toujours son épreuve. Tu veux être à sa place ? يعني هو لا يدري. هذا الذي تنظر إليه وتقول ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنت لا تدري بماذا سيصيبه الله تعالى وتبارك. وربما أصابه الله وعافى. Ou peut-être ça y est, il a subi sa part. Et Dieu par la suite lui a donné, a enlevé l'épreuve pour lui. فإذا كنت ترى من هو تحتك, dans le cas où tu vois ceux qui te sont inférieurs, فهنا ستحس بنعمة الله عليك. À ce moment-là, tu vas ressentir le bienfait, la grâce de Dieu sur toi. فتشكر الله وتحمده. Et là, tu vas remercier Dieu, tu vas proclamer sa louange. وإن شكرت الله. Et dans le cas où tu remercies Dieu, أعطاك الله أكثر وأكثر. Dieu va te donner plus et encore plus. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. هذا وعد من الله, والله لا يكذب, يقول الحق. لَإِن أَنَحْنُ الَّذِينَ لَا نَشْكُرْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Dieu dit, assurément, sans doute, si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu tient toujours ses promesses. الشيطان يأمرك بالمقارنة مع من هو فوقك. Satan, il t'ordonne de faire une comparaison avec les gens qui te sont supérieurs. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك يا أخي ويا أختي بالمقارنة مع من هو أقل منك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم te dit, non, regarde, fais comparaison plutôt avec ceux qui te sont inférieurs. قال رجل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. Un homme a saisi Abdullah, fils de Amr, que Dieu soit satisfait de lui, pour lui poser cette question. Alasna min fuqara il muhajirin. Est-ce qu'on ne fait pas partie des pauvres parmi les muhajirin? Les muhajirin sont ceux qui ont fait la hijra. Faqala Abdullah, et Abdullah lui a répondu, alaka mra'atun ta'wi ilayha. As-tu une femme vers laquelle tu retournes le soir, tu reviens le soir? قال نعم. Il a dit oui. قال لك مسكن تسكن. As-tu, la deuxième chose, as-tu un logement que tu habites? قال نعم. Il a répondu oui. قال له عبد الله فأنت من الأغنياء يا أخي. Et Abdullah lui dit, donc tu es parmi les riches. بمعنى عندك زوجة ومسكن. فماذا تريد أكثر من ذلك؟ Ça veut dire t'as une femme et t'as un logement, qu'est-ce que tu cherches de plus? قال الرجل فإن لي خادما. Et l'homme lui dit, mais j'ai encore un serviteur. Je n'ai pas que la femme et l'habitation, mais j'ai un serviteur, un esclave. قال له عبد الله. عبد الله lui dit, فأنت من الملوك. إذن, donc tu fais partie des rois. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. أخي, أختي, frère, sœur, صرنا ظالمين. On est devenu injuste. أعطانا الله زوجة. Dieu nous a donné une femme, zaoujan, ou bien un mari, baytan, un logement, auladan, des enfants, rizqan, une subsistance, sayara, une voiture, il a akhiré, sayarat, ou des voitures, etc. Bimana, ja'alan Allahu mulukan. Ça veut dire, pour ceux qui regardent loin, ceux qui ne sont pas aveugles, ça veut dire, Dieu nous a rendus des rois. وننسى هذا. Et on oublie tout cela. ولا نشكر الله. Et on ne remercie pas Dieu. لأننا نريد أكثر. Parce qu'on veut plus. نريد سيارة أجمل من التي عندنا. On cherche une voiture plus luxueuse que la nôtre. نريد تلفاز أكبر من التي عندنا. On cherche un téléviseur, mais avec un écran plat, plasma, etc., plus grand que ce qu'on a. Nourid akhir modèle el jawal. On cherche le dernier cri dans les portables, etc. Wa akharun fi Gaza kanu tahta al qanabil layla nahar. Et d'autres étaient dans la bande de Gaza, sous les bombes, jour et nuit, pendant 22 jours. لمدة 22 يوما هدمت منازلهم. Leurs habitations étaient détruites. Mata ahbabuhum, leurs bien-aimés, leurs proches ont été morts, sont tombés morts. Qutta'at ba'du a'da'ihim, quelques organes, quelques-uns de leurs membres, pieds ou autres, étaient coupés. Wa hurriqat juluduhum, leur peau était brûlée. Faqadu kull shay, ils ont tout perdu. Al-amn wa s-sihha wa rizq, la sûreté, la santé et la subsistance. Wa yaquluna amamana bi sidqin, alhamdulillah. Et ils disent devant nous avec toute sincérité, lorsqu'on les voit sur les écrans télévisés, ils disent la louange entière et à Dieu. Merci Dieu. Akhi ukhti, frère ou sœur, Ma aqalla haya'ana amam Allah. Combien notre pudeur est très faible vis-à-vis de Dieu. Ghufranaka ya Rabb. Oh pardon, oh ton pardon, oh notre Seigneur. Ghufranaka ya Rabb. Oh ton pardon, notre Seigneur. Sayyidi, maître. La ilaha illa ant. Nulle divinité à part toi. Innana kunna min al-zalimin. Nous faisions partie des injustes. Alladhi fina 'indahu akbar musiba. Celui parmi nous qui a le plus grand malheur. Idha qarana nafsahu ma'a sukkani Gaza. S'il se compare avec les habitants de Gaza, sayajid nafsahu milliard marra ahsan minhu. Il va trouver qu'il est un milliard de fois meilleur qu'eux. وَهُمْ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Et eux, ils disent الْحَمْدُ لِلَّهِ. فَمَادَ يَجِبْ أَنْ يَقُولَ إِذَنْ هُ. Que doit-il donc dire? Ça veut dire celui qui a fait la comparaison. أخي أختي, frère, sœur, القاعدة الإسلامية, la règle musulmane, في الدنيا تنظر من هو تحتك. Dans les affaires de la vie ici-bas, tu regardes celui qui est plus bas que toi, celui qui est inférieur à toi. وَفِي الدِّينِ تَنْظُرْ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ. Et dans le domaine de la religion, tu regardes celui qui t'est supérieur. حَتَّى تَفْعَلَ مِثْلَ. Ainsi tu vas faire comme lui. تَصُومُ مِثْلَ. Tu vas jeûner comme lui. تَقُومُ اللَّيْلَ مِثْلَ. Tu vas veiller la nuit comme lui. تَخَافُ اللَّهَ مِثْلَ. Tu vas craindre Dieu comme lui. إلى آخره, etc. وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ. Après cette introduction, نَعُودُ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. On revient vers le hadith, la parole du prophète, prière et saillie sur lui. مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ. Celui parmi vous qui se réveille le matin et se trouve en toute sûreté, مُعَافًا فِي جَسَدِهِ, épargné dans son corps, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, et qui possède sa subsistance quotidienne, نَحْنُ عِنْدَنَا قُوتُ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَلَسْنَا رَاضِينَ وَلَسْنَا قَانِعِينَ. Nous on possède la ration ou bien la subsistance d'une année ou d'un mois et on n'est pas satisfait et on ne se contente pas de ce qu'on a. عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ. Celui qui a la subsistance d'une journée, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, celui-ci ressemble à celui auquel on a apporté le bas monde dans sa totalité. مَنْ عِنْدَهُ هَذِهِ الثَّلَاثَ فَكَأَنَّهُ مَلِكٌ لِلدُّنْيَا. Celui qui jouit de ces trois grâces ressemble à un roi du monde. وَنَبْدَأُ بِالنُّقْطَةِ الْأُولَى. On commence par le premier point, الأمن. Le premier bienfait, la sûreté. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنعمة الأمن لأنها أهم من الصحة ومن الرزق. Le prophète prière et saillie sur lui a commencé à citer ces trois grâces. Il a commencé par la plus importante, la sûreté, parce qu'elle est meilleure que la santé et que la subsistance. لو خير إنسان بين الأمن والصحة. Si on laisse le choix à une personne entre le choix entre la sûreté et la santé, أو بين الأمن والرزق, ou bien entre la sûreté et la subsistance, لاختار الأمن. La personne choisira la sûreté. لأن الأمن يساوي الحياة. Parce que la sûreté est égale à la vie. وعدم الأمن يساوي إمكانية الممات. Et l'insécurité est égale à une possibilité de la mort. ولهذا تجد في الأماكن المهددة بالحرب raison pour laquelle tu trouves dans les régions menacées par la guerre أو الفيضانات أو menacées par les inondations إلى آخره etc. الناس تترك أرضها les gens abandonnent leurs biens leurs maisons و leurs terres و بيوتها et leurs logements و أعمالها et leurs travaux وكل شيء et toute chose وتهاجر إلى بلد آخر et les gens immigrent vers un autre pays من أجل الأمن pour rechercher la sûreté. ما فائدة الصحة إذا كنت ستقتل؟ Quelle est l'utilité de la santé, de la bonne santé dans le cas où quelques secondes après on viendra pour te massacrer? وما فائدة الرزق إذا كنت ستقتل وتتركه وراءك؟ Et quel est l'intérêt de la subsistance dans le cas où on va quelques secondes par la suite venir pour te tuer et tu vas abandonner derrière toi la subsistance? فالأمن نعمة كبرى لا تقدر بثمن. Donc la sûreté est une grâce très très grande qui ne peut pas être estimée avec un prix, qui n'a pas de prix. تخيل نفسك مهددا بالقتل من طرف جماعة. Imagine-toi, mon frère ou ma sœur, menacé de mort de la part d'un groupe. Et tu penses qu'ils vont te tuer à n'importe quel instant. Et tu ne connais pas l'instant. L'ahdat al-qatl, l'instant de la mort, de l'assassinat. Dans ton travail, tu seras terrorisé, en train de trembler. Dans le chemin, tu seras terrorisé, paniqué, en train de trembler. Toute personne que tu vois dans ton chemin, tu penses que c'est elle le tueur. Chez toi, tu seras terrorisé, en train de trembler. Chaque bruit que tu entends, tu penses, ça y est, ils sont arrivés. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas dormir. Ni repos. Tu ne peux pas travailler. Parce que tu as la peur. Tu as la terreur. Parce que tu as perdu la plus grande grâce, ni'mat al-amn, la grâce de la sûreté. Kam tu'ti li tashtari al-amn min jadid? Frères ou sœurs, combien tu peux donner afin de racheter ou d'acheter la sûreté de nouveau? Rubama tu'ti kulla ma tamlik. Peut-être tu vas donner tout ce que tu possèdes. Akhi ukhti, frère sœur, Allah ta'ala wa tabarak a'taak ni'mat al-amn. Frères ou sœurs, Dieu le Très-Haut, il t'a offert la grâce de la sûreté. Est-ce que tu l'as remercié? As-tu estimé à sa juste valeur cette grâce que Dieu t'a donnée? Mais fais attention. Dans le cas où Dieu t'a donné la sûreté, il s'agit d'une épreuve pour toi. Il s'agit d'un test pour toi. Voici la sûreté qui existe autour de toi. Vas-tu adorer Dieu? Vas-tu profiter de la sûreté pour l'adoration? Vas-tu faire la prière ou les prières à l'heure? Vas-tu acquitter la zakat? Vas-tu accomplir le pèlerinage à temps? Vas-tu obéir à Dieu? أم ستستغل الأمن الإلهي لتعصي الله؟ Ou bien vas-tu profiter de la sûreté divine pour désobéir à Allah? لتحقق شهواتك, afin de réaliser tes désirs. وتقوم بالمحرمات, afin de commettre les péchés, les interdits. فالأمن ابتلاء لك. Donc la sûreté est une épreuve pour toi. وعدم الأمن ابتلاء لك كذلك. Et le manque de sûreté est une épreuve de la même manière pour toi. امتحان لك, ça veut dire un test pour toi. تخيل صحرة فرعون. Imagine avec moi les sorciers de Pharaon. آمنوا بالله. Ils ont cru en Dieu. فيمتحنهم الله. Et Dieu a testé leur foi. ينزع عنهم الأمن. Il leur a retirer la sûreté. Pharaon, يهددهم بالموت. Pharaon les a menacés de la mort. An tariqi qat'i aydihim, par le biais de leur couper leurs mains, wa arjulihim, couper leurs pieds, wa taslibihim, et à la fin les crucifier. Mada sayfalou, que vont-ils faire? Hal sayakhafuna Pharaon akthar min khawfihim lillah wa ma akthar al-fara'ina? Vont-ils avoir peur de Pharaon plus que leur crainte de Dieu? Hal sayarka'una amama Pharaon? Vont-ils s'incliner, se prosterner devant Pharaon? Hal sayastaslimun amama shurut Pharaon? Vont-ils céder devant les conditions dictées par Pharaon? Ibtila'un kabir. Une grande épreuve. Et les sorciers ont réussi lors du test divin. Et ont choisi le martyr. Donc la sûreté est une épreuve et l'insécurité aussi est une épreuve. Parce que Dieu éprouve le croyant soit par le mal, soit par le bien. Dieu dit dans un verset, nous vous éprouvons par la tentation du mal et du bien. لا تنظر في هذه الدنيا غير الله. Ne regarde pas dans ce bas monde autre chose que Dieu. فإن عقيدتك هي, parce que ta croyance s'appelle لا إله إلا الله. Ta croyance est basée sur nulle divinité à part Allah. إن وجدت أمنا فاعلم بأنه من الله. Dans le cas où tu vis en sûreté, sache que la sûreté t'est venue de la part de Dieu سبحانه وتعالى. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, عن كفار مكة, il parle à propos des associateurs mécois. فليعبدوا رب هذا البيت, qu'ils adorent donc le maître de cette maison. الذي أطعمهم من جوع, هاي النعمة الأولى, نعمة الرزق. الذي أطعمهم من جوع, والنعمة الثانية, وآمنهم من خوف, qu'ils adorent donc le maître de cette maison, ça veut dire la Kaaba, qui les a nourris alors qu'ils avaient faim. Voici la première grâce, la subsistance à la place de la famine, et qui leur a assuré la sécurité alors qu'ils avaient peur. Voici la deuxième grâce. Donc devant ces deux grâces, ils doivent remercier par l'adoration. Ils doivent remercier Dieu pour ces deux grâces, la subsistance et la sécurité, en l'adorant uniquement. Parce que c'est lui qui les a rassurés contre leur peur. Et dans le cas où tu vis, où tu passes par une insécurité, sache qu'elle est venue de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة, قرية يعني مدينة كبيرة, كانت آمنة, هاي النعمة الأولى, آمنة مطمئنة ياتيها رزقها, النعمة الثانية الرزق, ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, إيش بالله؟ لا, فكفرت بأنعم الله, لم تشكر نعم الله الرزق والأمان, فكفرت بأنعم الله, فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, يعني من ذنوب بما كانوا يصنعون. Dieu dit dans ce verset, Dieu a cité en parabole une ville qui vivait dans la sécurité et la confiance, la première grâce, la sécurité venant de sa part, et voyait venir de partout vers elle sa subsistance en toute abondance et sérénité. La deuxième grâce, c'est la subsistance. Elle, ça veut dire la majorité des habitants de la ville, elle renia alors les bienfaits de Dieu. Elle renia, pas Dieu, mais les bienfaits de Dieu, la sécurité, la subsistance. Et Dieu lui fit donc goûter au voile de la faim et de la peur pour ce qu'il faisait, ça veut dire comme péché. أخي أختي frère sœur, إذا كان الأمن نعمة كبرى في الدنيا, dans le cas où la sûreté représente une grande grâce dans cette vie ici-bas, فالأمن كذلك أكبر نعمة غدا يوم القيامة, de la même manière la sûreté, la sécurité sera le plus grand bienfait le jour de la résurrection. Écoute ce que Dieu dit à ce propos. قال تعالى أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة. من هو أحسن، الذي يلقى في النار غدا يوم القيامة أم الذي يأتي آمن آمنا نعمة الأمن غدا يوم القيامة؟ Dieu dit, est-ce que celui qui est jeté dans le feu est meilleur ou est-ce celui qui vient en toute sécurité le jour de la résurrection? نسأل الله أن لا يحرمنا أمن يوم القيامة. On demande à Dieu de ne pas nous priver de la sûreté du jour de la résurrection. النقطة الثانية, le deuxième point, نعمة الصحة, la grâce de la santé. وهي نعمة كبيرة, il s'agit d'une grande grâce. فلو خير إنسان بين الصحة والمال, dans le cas où on laisse le choix à une personne entre la bonne santé et l'argent, l'akhtar الصحة, il choisira la santé. والدليل أن الناس تعطي المال على حبه للطبيب وللدواء من أجل الصحة. La preuve c'est que les gens d'aujourd'hui donnent leur bien ou leur argent, malgré leur amour pour les biens et pour l'argent, aux médecins et aux médicaments pour se soigner. ومع الأسف, mais malheureusement, لا نقدر نعمة الصحة, mais malheureusement on n'apprécie pas à sa juste valeur le bienfait de la santé. هذه الصحة التي لا تقدر بثمن, cette santé qui n'a pas de prix. تخيل نفسك مريضا, frère ou sœur, imagine-toi malade. مرضا مؤلما, une maladie douloureuse. مرضا لا دواء له, une maladie incurable qui n'a pas de remède. طريح الفراش, cloué au lit. لا تستطيع مشيا, incapable de marcher. ولا عملا, incapable de travailler. ولا أكلا, incapable de manger. ولا نوما, من شدة الألم لا تنام. Et incapable de dormir. إذا لم تكن هكذا, فالله الذي أراد أن لا تكون هكذا. نعمة من الله. تتألم باستمرار. Tu es en train de souffrir en permanence. بكم تشتري صحتك؟ À quel prix tu vas acheter ta bonne santé de nouveau? ربما بمالك كله, peut-être avec toute ta fortune. وها أنت الآن صحيح معافى. Et te voici maintenant en bonne santé. ألا تحمد الله؟ Est-ce que tu ne remercies pas Dieu? الصحة نعمة إلهية. La bonne santé est une grâce divine. ولكن في نفس الوقت ابتلاء لك. Mais en même temps, la bonne santé est une épreuve, un test pour le croyant. هل بصحتك ستعبد الله؟ Est-ce que grâce à ta bonne santé, tu vas adorer Dieu? أم بصحتك ستتبع الشهوات أو bien à cause de ta bonne santé tu vas suivre les désirs et Satan. وهناك من يبتليه الله بعدم الصحة, يعني المرض. Il y a des gens qui seront éprouvés de la part de Dieu par la maladie. وأذكر المريض ببعض الأشياء, je fais rappeler aux malades quelques points. النقطة الأولى, le premier point, المرض يأتي من عند الله. La maladie vient uniquement de la part de Dieu. عقيدتنا لا إله إلا الله. Notre croyance c'est il n'y a aucune divinité à part Dieu. الفيروس وغيره ما هو إلا سبب. Le virus ou le microbe ou autre ne sont que des moyens utilisés par Dieu. سبب يستعمله الله. لا تنظر إلى الفيروس أو السرطان. انظر إلى الله. Ne regarde pas le virus ou le cancer, mais plutôt regarde Dieu. ثانياً, deuxième point, الصبر عند المرض. La patience, l'endurance lors de la maladie. الرضا بإرادة الله. Agréer, être satisfait de la volonté de Dieu. إياك والغضب عند المرض. Méfie-toi. Ne deviens pas en colère face à la maladie. عليك بالصبر. ثم عليك بالصبر. Tu dois supporter avec patience et en plus avec patience. ربك. أراد لك المرض. Ton Seigneur a voulu pour toi la maladie. ربك أراد أن يمتحنك. Ton Seigneur a voulu te tester. فاصبر, supporte avec patience. ولك الأجر الكبير في المقابل. Et tu auras en contrepartie le grand salaire. فالمرض مغفرة للذنوب. La maladie est une absolution pour les péchés. ثالثا, troisièmement, الذي يشفي من المرض هو الله. Celui qui guérit de la maladie s'appelle Dieu. الطبيب سبب. Le médecin n'est qu'un moyen. الدواء سبب. Le médicament n'est qu'un moyen. إذا أحب الله شفاءك أو إذا أحب الله شفاك على يد الطبيب أو الدواء. Si Dieu le veut, il va te guérir, te faire guérir grâce au médecin ou grâce au médicament. وإذا لم يحب الله شفاءك, dans le cas où Dieu ne veut pas te faire guérir, عجز الأطباء وعجز الدواء, tous les médecins de la planète et tous les médicaments seront incapables. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Rabi'an, quatrièmement, a'ilat al-marid, la famille ou les proches du malade. Zawjatu, sa femme, Zawjuha, son mari, Abu, son père, Ummu ila akhiri, sa maman, etc. Allah, la yukallifuhum akhtar min taqatihim. Dieu ne leur fait pas supporter plus que leur capacité. Ya'khudun al-marid inda al-tabib. Ils prennent le malade auprès du médecin ou plusieurs médecins. Walakin ida ajaz al-atibba. Mais dans le cas où les médecins sont incapables de le guérir, la na'khud al-marid 'inda as-sahara, on ne doit pas prendre le malade chez les sorciers. La nasta'mil al-haram min ajli shifa, on ne doit pas utiliser l'interdit pour la guérison. Akhi ukhti, frère ou sœur, anta lasta mas'oulan 'an shifa'i qaribik, tu n'es pas responsable de la guérison de ton proche, ça veut dire le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Allah huwa alladhi ikhtara lahu maradan la dawa'a lahu. C'est Dieu lui-même qui a choisi pour ton proche une maladie incurable. Et toi, tu veux contrarier Dieu? Dieu lui a voulu l'absolution totale de ses péchés grâce à cette maladie. Dieu lui a voulu grâce à cette maladie des hauts degrés dans le paradis. Et toi, tu veux le contraire? Tu veux le sorcier? Tu veux le haram? Tu veux l'interdit? In kanat fika ar-rahma 'ala al-marid, dans le cas où tu éprouves une pitié envers le malade, fallahu arhamu minhu. Dieu est plus miséricordieux que toi. Khamisan wa akhiran, le cinquième et dernier point, idha ajaza at-tabib, dans le cas où le médecin devient incapable et te dit je ne peux pas. La ilaha illallah. Fasta'mil ad-du'a as-sadiq, utilise les bonnes invocations sincères. Utilise le repentir des péchés. Peut-être ta maladie, tu l'as attrapé à cause d'un péché. Utilise les larmes devant Dieu. Et peut-être Dieu va apporter de nouveau la bonne santé. Comme a fait Ayoub alayhi salam, exactement comme l'a fait Job, prière et salut sur lui. Et comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ishfa'in nas, et comme le faisait le prophète, prière et salut sur lui, pour soigner les malades, yad'u Allah. Il appelait, il invoquait Dieu. Et je rappelle à tous mes frères et mes sœurs que les invocations du malade sont exaucées par Dieu. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu النعمة الثالثة والأخيرة هي الرزق le troisième et dernier bienfait s'appelle la subsistance ما فائدة الأمن والصحة quel est l'intérêt de la sûreté ou de la bonne santé, dans le cas où à côté de ces deux, il n'y a pas une subsistance. La subsistance est une grande grâce. Imagine-toi seul, mais affamé, assoiffé dans un grand désert. Et tu as de l'argent, beaucoup d'argent. Et tu es proche de la mort. Et tu as rencontré enfin un homme, et il te dit, je vais te donner à manger et à boire, mais tu me donnes en contrepartie la totalité de ce que tu possèdes. Tu vas lui donner tout ce que tu possèdes pour avoir la subsistance enfin. Ondur Allah, regarde Dieu. Yu'tika ar-rizqa majanan kull yawm. Il te donne la subsistance gratuitement chaque jour. Wa ta'si. et tu lui désobéis. Akhi, ukhti, frère, sœur, tahayyal nafsak faqiran. Imagine-toi un pauvre. Laysa laka shay. Tu n'as rien. La tajidu ma ta'kul. Tu ne trouves pas ce que tu manges. Wallahi, mon frère ou ma sœur, dans le cas où tu n'es pas comme ça, c'est Dieu qui n'a pas voulu pour toi d'être comme ça. I'lam yaqinan annaka idha lam takun hakadha faqiran la tajidu ma ta'kul fa'lam bi anna Allah alladhi ahab an yaraka hakadha ala tahmad Allah la tajidu ma ta'kul. Imagine, tu ne trouves pas quoi manger. وَتَقِفُ أَمَامَ الْمَسْجِدِ et tu t'arrêtes devant la mosquée. أَوْ فِي الطَّرِيقُ ou dans la rue. وَتَمُدْ يَدَكَ لِلنَّاسِ et tu tends la main aux gens. وَيُدِيرُونَ وُجُوهَهُمْ et les gens tournent leur visage. وَرُبَّمَا طَرَدُوكَ et peut-être ils vont te chasser devant la porte. وَيَمُرُّ يَوْمٌ وَيَوْمَانِ وَلَا تَأْكُلْ et un jour ou deux passent et tu ne manges pas. وَالْآنَ انظر كم اغناك الله et maintenant regarde Dieu combien il t'a enrichi. عندك رزقك tu as mon frère ou ma soeur ta subsistance. الثلاجه مملوءه le réfrigérateur est plein. Parfois on ne trouve même pas où mettre les nouvelles choses. لا تطلب احدا tu ne demandes personne. الا تحمد الله est-ce que tu ne dois pas remercier Dieu. الفقير ياكل كسرة خبز يجدها بعد مدة طويلة le pauvre il mange un petit morceau de pain sec, lorsqu'il le trouve après une longue durée, wa yaqulu min a'maqi qalbihi alhamdulillah. Et après qu'il a mangé le petit pain, il dit des profondeurs, à partir des profondeurs de son cœur, il dit alhamdulillah. Wa nahnu 'indana akl shahr, ma'kulat mutanawwi'a. Et nous on a la subsistance d'un mois, la subsistance variée. Wala nahmadullah, et on ne remercie pas Dieu. Ar-rizqu ni'matun ilahiyya kabira, la subsistance est une grande grâce divine, walakin fi nafs al-waqt ibtila'un lak, mais en même temps elle représente une épreuve pour toi. Hal satastamilu malak fi al-halal, vas-tu utiliser tes biens ou ta subsistance dans le domaine du halal? Wa fil a'mal as-salihah, dans les bonnes actions, fi mardatillah, dans la satisfaction de Dieu, am hal satastamiluhu fil haram, ou vas-tu utiliser ta subsistance venue de la part de Dieu dans les domaines interdits, fi mardati shaytan, dans la satisfaction du démon. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et sage lui dit, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, celui parmi vous qui se réveille le matin et se trouve en pleine sûreté, mu'afan fi jasadihi, et se trouve épargné dans son cœur, pas de maladie, indahu qutu yawmihi, et trouve qu'il a la subsistance quotidienne, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya, celui-ci ressemble à celui auquel on a apporté tous les biens du bas monde. Rawahu Tirmidhi, rapporté par l'imam Tirmidhi. Akhi ukhti, frère ou sœur, Rabbuna ja'alana mulukan, notre Seigneur a fait de nous des rois. Fahal yaliqu bina an nansa man ja'alana mulukan, est-ce convenable qu'on oublie celui qui nous a rendu des rois? Hal yaliqu bina an na'si man ja'alana mulukan, est-ce convenable qu'on désobéit à celui qui nous a intronisé comme roi? Man fa'ala dhalik, celui qui fera ça, rubbama naza'a Allahu minhu al-mulk, peut-être Dieu va lui retirer la royauté, yubaddilu amnahu khawfan, il va lui remplacer la sûreté par une crainte ou une terreur, aw afiyatahu maradan, il va lui remplacer sa bonne santé en maladie, aw rizqahu ju'an, ou il va remplacer sa subsistance en famine. Nas'alu Allah at-tawfiq. اللهم إني داع فأمن. وقبل الدعاء أيها الإخوة, اليوم سيجمع الإخوة للمسجد. Aujourd'hui on va faire une collecte en faveur de cette mosquée. اعلموا أيها الإخوة أن المسجد بيت الله يحبه الله تعالى وتبارك. Sachez que la mosquée est la maison de Dieu, que Dieu aime. ومن وإعطاء الإعطاء من ماله لبيت يحبه الله هذا شكر للنعمة. Et lorsqu'on donne de son propre argent, c'est-à-dire l'argent que Dieu nous a donné, vers la mosquée et la maison que Dieu aime, ça veut dire on remercie ce que Dieu nous donne. فَحَاوِلُوا أَن تَشْكُرُوا اللَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ وَتُعْطُوا لِلْمَسْجِدِ فَإِنَّنَا فِي فَصْلِ الْبَرْدِ وَهَذَا الْفَصْلِ فِيهِ أَكْثَرَ الْمَصَارِيفِ. مصاريف التدفئة إلى غيره. وأنتم تعرفون هذا. Parce qu'on est maintenant dans la saison d'hiver, dans la saison de froid, et cela fait beaucoup de frais et de dépenses à la mosquée. فلا تنسوا هذا المسجد. N'oubliez pas cette mosquée. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يعطيكم الأمن وأن يعطيكم الصحة وأن يعطيكم الرزق. Et on demande en contrepartie à Dieu qu'il vous donne la sûreté, qu'il vous donne la bonne santé et qu'il vous remplace la subsistance. Allahumma inni da'in fa'amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afwa wa al-afiyah fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma alif ala al-khayri qulubana wa aslih dhat baynina wa ahdina subul al-salam wa akhrijna min al-dhulumati ila al-nur wa aj'alna hadina mahdiyin ghayra dhalin wa la mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. يا رب يا من لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تتنعم علينا بالأمن وبالصحة وبالرزق الوفير يا رب ونسألك أن تجعلنا نسخر هذا الأمن وهذه الصحة وهذا الرزق في طاعتك وليس في معصيتك اللهم أعنا على طاعتك واحفظنا من معصيتك واحمنا من معصيتك اللهم يا رب إننا ضعفاء لا نستطيع الصبر على قلة الأمن ولا على قلة الصحة ولا على قلة الرزق يا رب إن ابتليتنا فارحمنا ولا تبتلنا أكثر مما لا طاقة لنا به ابتلنا بما نصبر عليه ولا على حسب طاقتنا واغفر ذنوبنا واعطنا مقابله درجات عالية في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وخفف البلاء على المبتلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إخوتنا في غزة اللهم من مات منهم اكتبهم من الشهداء ومن الأبرار ومن الصديقين وممن حسن أولئك رفيقا اللهم من بقي بالحياة منهم اللهم مكن لهم في الأرض اللهم صبرهم وثبتهم وقوهم وامنحهم الحياة السعيدة وامنحهم الطمأنينة على أرضهم وعلى بلادهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.